23.2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Mireille est tombée sur Hubert à la fac. 2. Marie-Laure a une passion pour les chocolats. 3. Mireille dort. 4. Monsieur Courtois aime la bonne cuisine. 5. Conception est une excellente cuisinière. 6. Mireille n'est pas bavarde. Elle ne dit rien. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Marie-Laure adore les chocolats. C'est une véritable passion. B. Conception est une perle. Elle fait remarquablement bien la cuisine. C. Monsieur Courtois est un bon vivant. Il adore la bonne cuisine. D. Quelle coïncidence! Mireille est tombée sur Hubert dans la cour de la Sorbonne. E. Elle n'est pas bavarde. Elle ne dit rien. Mais lui alors, c'est qu'il est bavard. F. Mireille dort encore à 10 heures du matin ?